Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et de la forêt. CLML sait ce que représente la forêt. CLML possède des chargeuses sur roues en plus d'une dizaine d'employés. CLML œuvre dans les séries du secteur de Mistassini et Saint-Félicien. Les bureaux de CLML sont au 905 boulevard Amel, Saint-Félicien. 418-679-4194. On va parler avec notre ami Joe Hardy en parlant des hors des ondes. Puis Joe est en feu. On dit salut Joe. Salut, jeune homme, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Joe, on commencera pas avec la grosse déclaration que tu viens de me faire en dehors des ondes, parce qu'on va en parler dans le deuxième bloc, mais là, on va parler de Boston-Saint-Louis. Moi, j'ai gagné un pari, je pensais que les Blues de Saint-Louis, j'avais dit Columbus-Saint-Louis après la première ronde. Les Blues, finalement, depuis Jordan Binnington est arrivé là, et Greg Berube aussi, là. Faut donner crédit aussi à Greg Berube. Font tout qu'un job, et finalement, je pense que ça va être une série très longue. C'est drôle, hein? Moi, j'ai mes prédictions. De toute façon, moi, j'avais du San Jose. Ouais. J'avais pas de Saint-Louis dans mon pool, mais je disais récemment, qui voulait l'entendre, je le disais à la radio aussi, qu'on aurait une meilleure série Saint-Louis-Boston que San Jose-Boston. Parce que San Jose, qu'on le veuille ou non, c'est pas une équipe physique, OK? Alors que Saint-Louis vont brasser les Bruins, ça c'est sûr. Ça va être le plan de match automatique. Ils vont attaquer un peu comme ils ont fait contre San Jose. Oui, Carlson était blessé un peu, mais ils sont allés chercher Carlson, ils sont allés chercher Pavelski, Hurtle. Alors qu'ils n'ont pas vécu ça encore, Boston, dans cette série-là. Mais San Jose, je t'en parle là parce que je pensais à ça après-midi, à matin, avant-midi, en allant pédaler. San Jose, est-ce qu'on peut, je te pose la question, tu peux poser à tes auditeurs, est-ce qu'on peut dire, parce que là, il y a des gens qui vont dire t'aimes pas B, mais ça fait pas 10 ans, dans les 10 dernières années, est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure équipe qui a jamais gagné la Coupe Stanley? Ben oui, ça fait plusieurs fois. Je pense que oui, hein? Oui, la fenêtre, quand on dit que la fenêtre est ouverte, là, je pense qu'elle est fermée, parce que c'était la dernière année, c'est une équipe vieillissante, on sait pas si ils jouent. Ben c'est ça, tu sais, je regardais l'âge des gars, ils vont falloir qu'ils prennent une décision. Mais l'autre aspect que je veux compléter là-dessus, parce que tu me parles des Bonds aussi, puis Saint-Louis. Mais comment ça se fait que Montréal n'est pas capable de faire ce que Boston? Montréal et d'autres équipes, là, Boston sont toujours là. C'est pas des plans quinquennales, là. Ouais. Comment ça? Ben, ils ont quand même des bons joueurs. T'sais, Patrice Bergeron, c'est tout un leader. T'as Tuukka Rask qui est encore là. Dino Chara, défensif, c'est quand même un bon rassembleur également. Ouais, mais qui les a élevés, ces gars-là? C'est eux autres. Ils sont allés chercher, là. Ouais. Hey, Bergevin, ça fait 9 ans, là. 9 ans, 8 ans. Mm. Il n'a pas de bien de même. Tu sais, les gars qui ont Price, il était pas là quand Price. Oui, il était là quand Price est arrivé. C'est Weber, c'est pas lui qui est allé chercher. Mété, oui, les autres défenseurs pour me dénommer, c'est pas lui qui est allé chercher. Domi, Deno, Tatar, sacrifice. Il n'y a pas beaucoup de gars qui sont allés chercher. Là. Non, c'est sûr que. Ben, écoute, les derniers repêchages du Canadien. Soyons honnêtes, ça n'a pas été fort. Hein? Les David Fisher, après ça, tu as eu lui qui est en Russie, là, qui s'en va jouer en Russie, Sherbach, Nikita Sherbach, après ça, Michael McCarron. En même temps, il faut admettre, par contre, parce que j'ai eu cette conversation-là avec quelques personnes du Canadien qui disaient ça, tu sais, repêcheur. Mais en même temps, il y a des gars qui ont joué à Montréal qui étaient dans leur club école. Ah oui, c'était à propos du club école que je me suis fasciné. Il n'y avait jamais personne qui montait. Ben voyons, Desharnais a joué dans le club école. Mété, il a joué un petit peu cette année, oublions ça. Pacioretty, ça venait du club école. Oui, mais t'as quand même... Price a commencé dans l'école. Oui, mais ça, c'est des repêchages de 2007-2008, Pacioretty. Voilà, mais tout de même, il ne faut pas toujours dire que c'est tous les repêchages qui ont été pourris. Mais moi, j'essaie de trouver la réponse pourquoi que Boston sont toujours là ou sur le bord d'être là, tu sais, tout le temps. Mais cette année, on s'entend pour dire que c'est Tuukka Rask, la grande vedette, la grande vedette du... si Tuukka Rask n'est pas là, les Bruins sont pas là, hein? Ben, je te répondrais que si Boston avait joué contre le Canadien, Tuukka Rask n'aurait pas fait là, il serait pas rendu qu'ils sont rendus là, Boston. Ouais. Bref, voler contre Montréal. Ouais. Tu sais, mais quand tu me réponds ça, je suis obligé de te répondre, ouais, mais les Canadiens ont Price. Price n'a pas volé une série depuis le début. Tu sais, je veux dire, à quelque part, on a été très bon à partir des fêtes, là. Ouais. Mais tu sais, à quelque part, quand on analyse tout ça avec ce qu'on vient de se dire, là, je regarde ça, moi, pas sûr qu'ils vont faire des séries l'année prochaine, là. Mais non, c'est pas sûr, parce que tu regardes... Écoute, cette année, là, il y a plus ça, tu en as parlé, plusieurs joueurs ont connu une bonne saison, 14. Il y a 14 joueurs qui ont eu des saisons, ouais, leur meilleure saison en carrière. Ouais. Mais ça, en même temps, faut être honnête, là, tu sais, il y a eu une amélioration. Tu sais, moi, je trouve qu'ils ont... Domi a amené un certain caractère à l'équipe. Tu sais, faut faire attention à ça. Tu sais, la fenêtre, on oublie ça, la fenêtre. Quand Price va être trop vieux, ils vont en trouver un autre. Tu sais, les joueurs de hockey, il y en a une tonne, là. Mais en même temps, je trouve que ça se nettoie et ça se mélange. Ça prend du temps, là. Tu sais, il me semble que... Tu sais, je sais pas, là. Il y a quelque chose qu'on comprend pas, toi puis moi, puis ben du monde, là. Je pense qu'ils sont en bonne main, puis là, on va passer tout de suite au sujet qu'on a parlé en dehors des ondes, parce que là, tu me parles du Canadien, puis moi, je voulais pas te parler du Canadien tout de suite, mais quand tu n'en parles, je pense que les jeunes, ils ont eu un très, très bon repêchage. Les deux derniers repêchages ont été excellents du côté du Canadien. Puis je pense qu'avec les Suzuki, les Ryan Pilling, les Romanov, Kotkaniemi, je veux dire, en affaire, c'est quand même intéressant, non? Ouais, sauf que je vais répéter ce que... Là, je pense que je veux dire, en affaire, je l'ai mis sur les médias sociaux, puis ça s'enflamme pas mal. Rutherford à Pittsburgh disait quelque chose qui est très vrai, même quand j'ai coaché Junior Major, on en parlait avec les dépisteurs. C'est un choix repêchage, ça vaut quoi? À part d'un exceptionnel, nomme-les, les Tavares, les McKinnon, t'sais, on les connaît toutes, là. Le reste, là, you don't know. Tu sais pas que ça va faire. Moi, je te dis, c'est pour ça que tu m'en parles, là. Tu sais, je te donne un exemple de Suzuki. Au championnat mondial junior, je l'ai aimé. Mais il y avait pas beaucoup de glace, il embarquait. Puis un gars, je peux pas le nommer parce qu'il est très connu, il me dit, ouais, mais il patine pas. J'ai dit, non, peut-être pas un excellent coup de patin, mais il a des bonnes mains. Mais là, je te l'ai dit avant d'entrer en onde. Quand je lis les games que je vois jouer là, ça n'a pas de bon sens. Le gars, il touche pas personne. Il a 5 pieds 9. Il peut pas jouer sur un troisième trio à Montréal. Dans le pro, là. Je devrais pas dire Montréal, dans le pro. C'est un gars de main. C'est un gars qui fait pas d'échec avant. Patineur, moi, je pense qu'il est pas si pire. Ben moi, ce qu'André Tourigny a dit, c'est que, puis ça, faut pas suivre juste à la Coupe Memorial. André Tourigny l'a vu jouer pas mal. C'est un gars qui, il est pas excellent dans tout, mais il est bon dans tout. Je sais pas ce qu'il veut dire. Mais ça, oui, je comprends très bien. Mais sauf que ça, tu sais, là, si t'appelles le coach d'Edmonton, Vancouver, ouais, dans Suzuki, junior, c'est lui qui l'a battu, là, quand tu y parles d'un joueur que Vancouver a repêché, le gars dira pas, il est pourri, là. Tu sais, Tourigny n'est pas pour dire que Suzuki est pas bon, là. C'est un journaliste de Montréal. Ouais, mais Joe, Nick Suzuki, soyons honnêtes, là, si t'as suivi un petit peu. Là, je te l'ai dit, je te dis pas. Moi, je te dis qu'il a d'excellentes mains, c'est un bon joueur de hockey, mais dans le pro, il va avoir de la misère. Il se met même pas dans les jambes. Je l'ai regardé hier deux, trois fois dans sa zone. Sur le bout de la palette, pis, tu sais, il joue avec, pis là, je te l'ai dit, il joue avec Rockliffe, là. Il joue avec un gars de 6 pieds 6 à gauche, là. Ou à droite, là. Tu sais, le gars, il n'y a pas personne qui va aller attaquer Suzuki. Mais dans le pro, là, il jouera peut-être pas avec Rockliffe, là. Puis, il peut pas jouer sur un troisième trio dans le pro. Parce qu'un troisième trio, tu commences à tomber. Ben, ça va être Dano, c'est Philippe Dano, c'est officiel. C'est... Une job, ben, il va peut-être, Dano va peut-être être deuxième, là. Ouais, je sais pas, moi. Ouais, mais à quelque part, moi, je pense que Peeling va être en avant de Suzuki. Parce que je te l'avais dit la première fois qu'on a parlé de Suzuki, je l'ai aimé au championnat mondial. Mais là, je le regarde jouer, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Il n'est pas physique, mais pas pantoute. Mais c'est pas puis dans le pro, tu sais, là, Domi, exemple, il amène quelque chose à Montréal. Tu sais, s'il n'y a pas une bonne game dans le corps, il va sortir les épaules, il va baver un peu, ça a de l'as. Tu sais, Kotkaniemi va peut-être développer ça. Il y a un petit sourire, tu sais, fanfaron. Kotkaniemi, il faut lui donner ce qu'il y a. C'est un bon joueur de hockey. On va voir sa deuxième année. Peeling, c'est un gros bonhomme, 6 pieds 4. Et tu sais, il t'amène quelque chose. Suzuki va faire quoi là-dedans, lui? Oui, tu le vois où, toi, dans les joueurs de centre? Ben moi, je vois peut-être, dans le fond, je vois peut-être un Kotkaniemi déménager à Lille, puis voir... Non, ou encore... D'abord, Domi va s'en aller à Lille, ça, c'est évident. Ah, moi, c'est pas fait encore, ça. C'est un élément naturel. Les jeunes qui... Pour sortir la première année pour jouer dans le pro, quand tu es un joueur de centre, la première année, il faut que tu sois pas loin d'un exceptionnel, d'être un exceptionnel. Parce que c'est une position difficile à jouer. C'est sûr que ça s'apprend parce qu'il y a des mains, Suzuki, puis il a l'air d'un petit gars intelligent. Mais tu sais, il n'y a pas un gros physique. Même Tavares, qui n'est pas un tough, mais il se met dans les jambes, là. Il finit, tu sais, Bergeron. c'est pas un monstre, là, mais il se met dans les jambes, il va, il s'accote sur le gars. Hier, deux, trois fois dans sa zone, c'est parce qu'il y avait une bonne game dans le corps. C'est qu'il se tassait, il s'enlevait de là. Moi, j'étais très déçu hier, puis... Ouais, mais deux buts, une passe. Mais en même temps. Ouais, mais deux buts, une passe. Là. Son dernier but, la game était finie, là. Ouais. Mais c'est un gars qui a des mains, je te l'ai dit, là. Faut pas que le monde pense que je suis en train de dire qu'il n'est pas talentueux. Il a des mains. Mais des mains, puis de la vitesse, puis de la physique. C'est la Ligue nationale, là. C'est plus la Ligue nationale de 6-7 ans, là. Ça te prend, faut que tu fasses full package. Mais faut pas oublier qu'ils l'ont pris dans la transaction. Vegas, le garoché, là. Ils l'ont mis là. Il y a une raison, hein? Mais c'est un premier choix. Il a connu des séries exceptionnelles. Si t'es en Coupe Memorial, c'est à cause de. Si les Guelph étaient en Coupe Memorial, c'est à cause de Nick Suzuki en grande partie, là. Ouais, mais tu sais, en même temps, moi, je te répète, là. J'ai joué junior, parlait n'importe quel joueur junior. C'est un joueur de centre qui a un allié de 6 pieds 6 à gauche qui est physique. Il était de gelé 3 ou 4 Rockcliffe. Il n'y a pas personne qui va aller déranger Suzuki. Le gars va se faire tuer par Rockcliffe. Ça change la game, ça, là. Ouais, du joueur en question, là. Mais tu sais, regarde Rockcliffe, là. Je prends l'exemple. Je savais même pas. Je suis allé voir sur Internet. Où est-ce qu'il s'en va? Philadelphie. C'est drôle. Ces gars-là ne tombent pas à Montréal à la part de McCarron une fois, là. Ouais. Mais non, c'est sûr. Là, je t'ai pété ta ballonne, ouais. Là, t'es pas content. Là. Non, mais tu veux pas que tu penses que je pense que Suzuki est pas bon joueur. Là. C'est un bon joueur, mais comme je t'ai dit, en face, c'est un Suzuki, mais c'est pas un grand Vitara. Là. En tout cas, moi, je pense qu'il va jouer dans les sens. C'est un gars talentueux. Marc Bergevin, ils vont tout faire pour lui donner non, sa chance. Non, je te dirais pas. Ils vont tout faire pour que Kotkaniemi joue dans les NFL à plein temps. Mais ils feront pas tout pour Suzuki pour une raison. C'est que, comme je t'ai dit, selon moi, il était garoché dans cette transaction-là. Ils l'ont mis là pour compléter la transaction. Mais c'était le joueur clé dans l'échange, si tu te rappelles bien. Ben, moi, je pense pas c'était que Bergevin a demandé Suzuki pour compléter la transaction. Il voulait se débarrasser de Pacioretty. Oui, mais c'est Tatar qui était le joueur, puis c'était plus Tatar qui a eu une bonne année. Bon, non, mais moi, je parle au niveau de Suzuki, là. Tu sais, Canadien, c'est pas arraché les cheveux pour avoir Suzuki dans la transaction, là. Bon, moi, je pense que c'était le joueur clé de l'échange. Tu te rappelles bien, c'était le joueur clé de l'échange. Quoi. Bref, on en parlera, mais moi, je suis convaincu que ces trois-là vont jouer que Pelling. Pelling, moi, je pense que les deux vont commencer à Laval l'an prochain. Autant Pelling que... Ah, non, moi, Pelling, je pense que je vais commencer Pelling, à... Pelling, écoute, il y a Shave, c'est un gros bonhomme, puis il va... Oui, mais le calendrier de la NCAA, rappelle-toi de ça. Non, moi, je pense que... De toute façon, à Montréal, ce que ça lui prend, puis encore une fois, je pense à 100 pédalants matin, c'est que ça va lui prendre un joueur de centre, un gros bonhomme. Il va falloir qu'il n'achète un. Parce que de repêcher, là, ils sont trop loin de ça. Tu sais, Pelling, c'est pas un joueur de centre numéro un. Peut-être qu'il peut le devenir, mais ça me surprendrait. Mais il va falloir qu'il se n'achète un joueur de centre. Dans moi, en tout cas, j'irai pas. Ils n'auront pas le choix. Je vais te dire une affaire, j'irai pas avec Matt Duchesne, comme les rumeurs le disaient. Puis hier, je parle... Non, moi non plus. Non. D'ailleurs, ouais. Duchesne, je ne sais pas pourquoi tout le monde dit ça. Il l'a dit lui-même que Nashville l'intéressait parce que il y a un groupe de musique country, puis il aime la musique country. Puis Nashville va se vider les poches, ils ont besoin d'un joueur de centre. Effectivement, puis de toute façon, à Montréal, dès qu'il y a un joueur de disponible, on vous tue à Montréal. Moi, je pense que quand tu lis le journal, je disais ça à quelqu'un récemment, à Montréal, ça va, quand tu lis les joueurs qui sont supposés venir à Montréal, ils vont avoir deux équipes à Montréal. C'est sûr. Joe, on fait une pause et je veux te parler de Patrick Roy. Vous êtes à l'écoute de notre avec Joe Hardy sur les ondes de TennisSport.com. Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et de la forêt. CLML sait ce que représente la forêt. CLML possède des chargeuses sur roues en plus d'une dizaine d'employés. CLML œuvre dans les séries du secteur de Mistassini et Saint-Félicien. Les bureaux de CLML sont au 905 boulevard Amel, Saint-Félicien. 418-679-4194. Joe, on est de retour à DallasSport.com avec Joe Hardy. Joe, écoute, j'en ai parlé avec Nicolas Saint-Pierre, le descripteur des matchs des sénateurs la semaine dernière, hier. Une rumeur qui est partie en fin de semaine, Patrick Roy pourrait être intéressé à diriger les sénateurs. Moi, je suis renversé. Je vois pas Patrick Roy à Ottawa avec Eugene Melnyk. Nicolas Saint-Pierre disait, écoute, les sénateurs ont quand même ce qu'ils peuvent lui dire comme pitch de vente, tu reviens dans la Ligue nationale. Moi, Patrick, y a-tu besoin d'aller coacher de l'organisation dysfonctionnelle? Ben, moi, je pense que ça serait difficile. Je suis pas certain. Écoute, moi, personnellement, là, la vraie réponse que je donnerais là, moi, si j'étais à Ottawa, je le prendrais. Parce qu'à Ottawa, ils vont vivre des moments difficiles. Dis Patrick Roy, je te parle. C'est d'après moi, là, s'il est capable de gérer le patron, d'après moi, Roy ferait une bonne job, selon moi. Mais quand on regarde tout ça, par expérience, là, moi, je pense que Roy doit s'informer avant c'est qui le goaler qui va être là. Puis ça te prend un goaler au jeu de la Ligue nationale. Puis au moment où on se parle, Ottawa, ça va ordinaire d'un but. Deuxièmement, il y a une question qu'il faut se poser. Il y a 3-4 équipes qui cherchent un coach, puis encore des équipes qui s'en cherchent. Le nom de Patrick n'a jamais été mentionné. Ben, c'est parce que Patrick ça a mal fini avec l'Avalanche du Colorado. Et voilà, toi, c'est une marque qui reste collée à lui. Ouais. Puis l'autre affaire, tu sais, à quelque part, quand tu n'es pas coaché dans la vie ou tu n'es pas dirigé d'une entreprise ou même à la radio, tu sais, il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est le message, là, que ce soit dans le coaching ou dans d'autres sphères de la société, c'est à peu près toujours la même chose. Tu sais, on va prendre le hockey parce qu'on parle de hockey. Le message de chaque coach en Ligue nationale, dans Ligue junior majeure, n'importe où, Ligue américaine, est à peu près toujours le même. C'est pas de punition stupide. On fait l'échec avant à un, à deux. Mais ce qui est important, c'est le messager. C'est celui qui lance le message. Tu sais pourquoi que des fois, il y a 5 vendeurs d'automobiles, puis c'est toujours le même qui vend. Tu sais, puis il vend la même sorte d'automobile. Ouais, c'est plus ses affaires aussi. Là. Peut-être c'est le messager qui est important. Ouais. Le message, c'est une chose. Et je suis pas sûr que le message de Patrick est pas bon, parce qu'il y a le même message que les autres, mais c'est de la façon que ça se passe, tu sais. Ben, c'est un gars qui amène l'âge, c'est un gars qui fait peur à certaines équipes. Je pense que oui, mais moi, en même temps, si j'étais le propriétaire d'Ottawa, je mettrais de l'eau dans mon vin, là. Parce qu'il va amener des gens à Ottawa, puis qu'on le veuille ou non pour 2-3 ans, mais tu sais, c'est quoi qu'il veut, un contrat à long terme? Moi, je pense qu'ils vont y aller avec Crawford, là. Je pense. Ouais. Moi, c'était juste. Ils voulaient, en tout cas. Mais on peut avoir une surprise. Je ne sais pas ça. Je tomberais pas à terre s'il y a déjà, moi. Hier, on parlait de choses. Nicolas Saint-Pierre parlait, ça va joindre Patrick et Jacques Martin. Ça pourrait être ça aussi. Je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais que. C'est sûr qu'on veut passer l'histoire des jeunes coachs. Un gars comme Benoît Groulx qui vient de la région d'Ottawa, je trouve ça plate un peu que Benoît Groulx n'a pas ça. Ben, à ce compte-là, il y en a un autre qui vient pas loin d'Ottawa, qui a gagné la Coupe Stanley, Hartley. Il vient d'Oxbury, là. Ça, c'est à côté. Fait que, tu sais, quelque part, mais ça, il faut qu'il y ait une entente entre le gars qui l'engage. Tu sais, c'est important de savoir. Moi, je pense qu'il faut que tu sois chum avec le gars qui t'engage. Le gars qui peut te mettre dehors plus qu'avec le gars qui t'engage. Alors, même si t'es chum avec le directeur général à Ottawa, c'est pas lui qui prend la dernière décision. Alors, t'es mieux d'être chum avec le propriétaire à Ottawa. Ouais. Un peu comme les gars qui coachaient à Laval. T'es mieux d'être chum avec les Morissette qu'avec le gérant. Là, effectivement. Joe, gros merci. On s'en parle quelque part. On s'en parle après la victoire en 5 matchs des Blues. Moi, j'ai mis. Ça va être une longue série. Ah oui? Moi, je vais y aller, tiens, avec les Blues en 7. Hein? Les Blues en 7? Toi? Non, c'est pas mauvais. Moi, je pense que les Blues vont y aller en 5 ou en 6. Là. Moi, dire 6, tiens. OK. Moi, je vais y aller en 7. Donc, on s'en parle bientôt, Joe. All right, jeune homme. Bonne soirée, Joe.